Le poème sur Helge, le vainqueur de Hatting. Jörvard était le nom d'un roi qui avait quatre femmes. L'une d'elles s'appelait Alfhild et son fils Heidin, la seconde Sjöreid et son fils Humlung, la troisième Simjod et son fils Himling. Le roi Jörvard avait fait le serment de posséder la femme qui lui paraîtrait la plus belle. Il apprit que le roi Svafner avait une fille appelée Sigurlin, dont la beauté surpassait celle de toutes les femmes. Le jarl de Jörvard se nommait Idmund. Atle, son fils, envoyé vers Svafner pour lui demander Sigurlin, passa un hiver chez ce roi. Franmar était jarl du royaume de Svafner et père nourricier de Sigurlin. Sa fille se nommait Alof. Ce jarl donna le conseil de refuser la demande d'Atle, qui retourna vers son père. Atle était un jour auprès d'un bosquet. Un oiseau, perché sur les branches au-dessus de lui, ayant entendu les hommes qui l'entouraient dire que les femmes du roi Jörvard étaient les plus belles, se mit à gazouiller, et Atle l'écouta. « As-tu vu, Sigurlin, la plus belle fille de la terre ? Cependant, les femmes de Jörvard paraissent jolies aux hommes du bosquet de Glasis. Atle, savant oiseau, veux-tu causer encore avec Atle et Munson ?» L'oiseau, « J'y consens. » Si le roi m'offre un sacrifice et me laisse choisir ce que je voudrais dans les demeures royales. Atle, ne prends pas Jörvard, ni ses fils, ni les jolies suivantes des princesses, ni les femmes du roi. Négocions comme il convient à des amis. L'oiseau, je choisis les nombreux hôtels et le bétail à cornes d'or qui se trouve dans les domaines du roi, et Sigurlin dormira dans ses bras. Elle suivra ce prince sans contrainte. Ceci se passa avant la mission d'Atle. Le roi l'interrogea à son retour. Atle chanta. « Nous avons eu beaucoup de peine et pas de succès. Les chevaux se sont fatigués dans la longue chaîne de montagnes et nous avons été obligés de passer par le Zemornagé. Puis la fille de Svafner, couverte d'or, nous a été refusée. » Le roi les engagea à recommencer le voyage et le fit avec eux. Arrivés au sommet d'une montagne, ils virent le Svavaland, la Souabe, ravagée par le feu. Le pas des chevaux soulevait une poussière épaisse. Le roi descendit de la montagne à cheval, pénétra dans le pays et s'établit pour la nuit auprès d'une rivière. Atle fit sentinelle et, traversant la rivière, il vit sur l'autre bord une maison. Un grand oiseau, chargé de la garder, s'était endormi. Atle le tua avec sa lance. Mais il trouva dans la maison Sigurlin, la fille du roi, et Alof, la fille du jarl. Il les emmena avec lui. Le jarl Franmar, recourant à la magie, les avait cachés à l'armée et pris sa forme d'aigle. Un roi, appelé Rodmar, avait demandé la main de Sigurlin. Ayant éprouvé un refus, il tua le roi de Svava, dévasta le pays avec le fer et le feu. Sigurlin devint la femme du roi Jörvard, Atle eut Alof. Le roi et Sigurlin eurent un fils vigoureux et beau, mais silencieux, qui ne répondait à aucun nom. Étant assis sur une colline, il vit 9 valkyries. La plus remarquable d'entre elles chanta. « Helge, puis son général !» Tu règneras tard sur les anneaux et les pays si tu te tais éternellement, quoique tu aies un cœur courageux comme celui d'un prince. Lui, quel surnom accompagnera le nom de Helge que tu m'ordonnes de porter, brillante vierge? En y réfléchissant, je ne veux rien de ce que tu m'offres si je ne puis te posséder. Elle, il y a des glaives dans l'îlot de Ziegar, 4 petits et 50 autres. L'un d'eux est le meilleur. Il porte malheur au bouclier. Il est encadré d'or. Un anneau est à la poignée, le courage au milieu et l'effroi à la pointe, pour celui qui le trouvera. Un serpent couleur de sang longe le fil, sa queue entoure la poignée. Un roi appelé Eilime avait une fille nommée Svava. Elle était valkyrie et chevauchait à travers l'espace et les mers. Elle protégea souvent Helge dans les batailles. Helge à Jörvard. Tu n'es pas un prince au bon conseil, Jörvard, ni un puissant général malgré ta célébrité. Tu as fait détruire par le feu le pays des princes qui ne t'avait suscité aucun mal. Mais Rodmar possède les trésors qui ont appartenu à nos pères. Ce chef, pour soutenir sa vie, ne regarde guère autour de lui et pense qu'on le laissera jouir de l'héritage des exterminés. Jörvard répond qu'il donnera des guerriers à Helge s'il veut se charger de venger la mort de son aïeul paternel. Helge se met à la recherche du glaive indiqué par Svava. L'ayant trouvé, il part avec Atle, bat Rodmar, se distingue par de nombreux exploits héroïques, tue le géant Hatt, assis sur une montagne. Helge et Atle se tenaient avec leur navire dans le golfe de Hatt, et Atle fit sentinelle pendant la première partie de la nuit. Ringerd, fille de Hatt, chanta. « Qui sont-ils, ces héros réunis dans le golfe de Hatt? Les tentes sont faites sur vos navires avec des boucliers. Vous vous comportez dignement et paraissez peu accessible à la crainte. Dites-moi le nom de votre roi. » Atle chanta. « Il se nomme Helge, mais tu ne pourras jamais lui faire du mal. Des cercles de fer cernent notre flotte et les démons ne peuvent nous détruire. » Rimgerd chanta. « Comment te nommes-tu, homme puissant? Quel nom le peuple te donne-t-il? Le roi a confiance en toi, puisqu'il te laisse le soin de garder son joli vaisseau. » Atle. « Mon nom est Atle, et je serai dur envers toi. Je déteste les démons, et j'ai souvent défendu le navire humide contre les artifices. Comment te nommes-tu, géante affamée de chair morte? Dis-moi le nom de ton père. Tu devrais être à 9 haltes dans la terre, avec un arbre croissant sur ton sein. » Rimgerd. « Je m'appelle Rimgerd, et mon père se nommait Hatt. Pas un géant ne l'égalait en puissance. Il enleva bien des fiancés de leur demeure avant d'être tué par Helge. » Atle. « C'est toi, hideuse sorcière, qui étais couchée en travers du vaisseau de Helge, à l'embouchure du golfe, et devant les guerriers du roi que tu aurais donné à Hel, si la proue ne t'avait point heurté. » Rimgerd. « Tu es troublée, Atle. Je crois que tu rêves. Tu abaisses le sourcil. C'est ma mère qui était devant les vaisseaux du roi. J'ai plongé dans l'océan les fils de Lodve. Tu devrais hennir maintenant si tu n'étais pas châtré. Je crois, Atle, que ton cœur est fixé à ton dos, quoique ta voix soit claire encore. » Atle. « Je te paraîtrais vigoureux si tu éprouvais ma force et si je pouvais descendre à terre. Tu serais déjà anéanti si ma colère s'était allumée. » Rimgerd. « Atle, puisque tu as confiance en ta force, viens à terre. Joignons-nous dans la baie de Varin. Comme tes côtes seront redressées, guerrier, si tu tombes entre mes griffes. » Atle. « Je ne puis m'éloigner tant que nos gens ne seront pas réveillés pour garder le roi. Je ne suis pas certain du moment où un démon passera en dessous de nos navires. Éveille-toi, Helge, et donne une composition à Rimgerd pour Hatt que tu as tué, qu'elle dorme une nuit avec le roi, et elle sera indemnisée du dommage éprouvé. » Helge. Il se nomme Velu, celui qui doit te posséder, horreur des hommes. Le géant de l'île de Tol, 100 fois savant et le plus pervers des habitants des cavernes, est le mari qui te convient. » Rimgerd. Tu préférerais, Helge, posséder celle qui gardait le port et tes gens la dernière nuit. La jeune fille parée d'or me sembla forte. C'est ici qu'elle a pris terre en sortant de l'océan, au moment où elle amarra tes navires. Elle m'ôte la force de tuer les gens du roi. » Helge. Écoute, Rimgerd, si tu veux une indemnité pour le dommage que tu as éprouvé, réponds avec exactitude. Était-elle seule ou accompagnée de plusieurs, la femme qui a préservé ma flotte? » Rimgerd. Elles étaient 3 bandes de 9 chacune, mais une vierge chevauchait à leur tête. Elle était blanche sous le casque. Les chevaux secouèrent leurs crinières. La rosée tomba dans les vallées profondes et la grêle sur les arbres élevés. Il viendra ensuite de bonnes années sur la terre. Tout ce que je vis alors est repoussant pour moi. Atle. Regarde à l'Orient, Hrimgerd, car Helg t'a frappé à mort par son discours. La flotte du roi est protégée sur mer et du côté de terre. Il en est de même pour les hommes de son armée. Il fait jour maintenant, Hrimgerd. Atle t'a retenu pour te faire perdre ton temps. De singuliers indices de port se montrent dans la pierre sur laquelle tu te tiens. Le roi Helg était un grand général. Il alla trouver le roi Elima et lui demanda sa fille. Helg et Svava firent échange de promesses et s'aimèrent admirablement. Svava était chez son père et Helg à l'armée. Svava continua à être une valkyrie. Hedin habitait chez son père, le roi Jörvard, en Norvège. Il revint une veille de Noël, en voiture et seul de la forêt. Il rencontra une sorcière à cheval sur un loup avec des aigles pour bride. Elle offrit à Hedin de lui tenir compagnie. « Non, répondit-il, tu me paieras ce refus lors des santés de Brague, reprit la sorcière. Les promesses eurent lieu le soir. Le cochon de lait du sacrifice fut amené. Les hommes posèrent les mains dessus et firent des promesses en tenant les coupes de Brague pleines. Hedin jura de posséder Svava, fille du roi Eilima et la bien-aimée de son frère. Il éprouva un si grand repentir d'avoir fait cette promesse qu'il partit, se dirigea vers les pays du sud et rejoignit son frère. Helg chanta. « Sois le bienvenu, Hedin. Donne-nous des nouvelles de la Norvège. D'où vient que tu as été chassé du pays et que tu arrives seul ici ?»« Hedin. Un plus grand malheur encore m'est survenu. Mon choix s'est arrêté tandis que je tenais la coupe de Brague sur la jeune fille royale, ta fiancée. Helg. Ne t'accuse point, Hedin. Les promesses faites en buvant s'accompliront à notre égard. Le chef m'a défié dans la plaine au bout de 3 nuits. Je m'y rendrai, mais mon retour est incertain. Profite de ce qui pourra arriver. Hedin. Tu as dit, Helg, que Hedin méritait de ta part du bien et de grands présents. Il serait plus convenable pour toi de teindre ton glaive dans le sang que de donner la paix à ton ennemi. Helg chanta ainsi, car il pressentait sa mort et que les esprits, ses compagnons, avaient fait visite à Hedin en voyant la sorcière chevaucher sur le loup. Alf, fils du roi Rodmar, avait provoqué Helg à une bataille à Sigarsval 3 jours après, et Helg chanta. Lorsque la nuit fut venue, une femme montée sur un loup demanda à Helg la permission de le suivre. Elle savait que le fils de Sigurlin succomberait à Sigarsval. Il y eut une grande bataille où Helg fut blessé mortellement. Helg envoya Sigar à cheval vers la fille unique d'Eilim pour la prier de se hâter si elle voulait trouver le roi en vie. Sigard, Helg m'envoie te parler en personne, Svava. Le prince dit qu'il veut te voir avant de rendre l'esprit. Svava. Qu'est-il arrivé à Helg, le fils de Jörvard? Un chagrin affreux est venu m'assaillir. La mère l'aurait-elle trahi? Ou bien Glaive l'aurait-il atteint? Je le vengerai. Sigar. Helg est tombé ce matin auprès de la pierre de Freka. C'était le meilleur roi qui fût sous le soleil. Alf pourra disposer maintenant de la victoire. Cependant, elle lui sera moins nécessaire cette fois. Helg à Svava. Honneur à toi, Svava. Calme ton chagrin. Cette rencontre est probablement la dernière que nous aurons dans ce monde. On demande si la plaie du roi saigne. Le glaive s'est un peu trop approché de mon cœur. Je t'en prie, Svava, ma fiancée. Ne pleure pas si tu veux entendre mes paroles. Prépare le lit nuptial pour Hedin et donne ton amour à ce jeune prince. Svava. J'avais promis mon amour dans un temps meilleur. Et lorsque Helg choisissait des anneaux près de moi, après la mort de mon prince, ce ne sera pas sans violence qu'un roi inconnu me pressera dans ses bras. Helg, embrasse-moi, Svava. Svava, je ne reviendrai pas dans le pays troublé, ni sur les remparts de Rödul, que je n'ai vengé le fils de Jörvard, le meilleur roi qui fut sous le soleil. On dit que Helge et Svava naquirent une seconde fois. Voyez la fin du cinquième chant.